L'état d'urgence est proclamé sur l'ensemble du territoire. Z. Patient. Z. L'ensemble du territoire. Z. Les armes de plus de troupes. Les armes de plus de troupes. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Il est connu du monde sous le nom de Patient Z. Patient Z. Z. La dynamique de l'épidémie est maintenant très forte. Z. Patient. C'est seulement que c'est un hôpital psychiatrique. Z. Ils vont venir te chercher, Barbara. Patient. We want to ensure that the virus does not come. Nous voulons être sûrs que le virus n'entre pas sur notre territoire. Donc, nous contrôlons. C'est une bande dégénérée. Pour ça il suffit d'écouter ce que la guitare de Ben va jouer. La musique c'est la rémission. Tout ce qu'on veut c'est que ça tabasse. Pour faire progresser la contagion, c'est Bruno qui est à la basse. De crash, de crise, toute l'inflation. souffle le vent de la révolution. J'aime l'odeur de ton fric et vive un capital. Tes dollars, tes guerres économiques et vive un capital. Le pétrole au large de l'Afrique et vive un capital. Le meilleur goût de l'Amérique. Capital, mi amor. Bien sûr, on a essayé le communisme, le scepticisme, égratigné leur foi. D'autres ont tenté le national-socialisme, tonton Jacob se mord toujours autant les doigts. Dictature, massacre de population, balaye la théorie de l'évolution. Attention! J'aime l'odeur de ton fric et vive un capital. Tes dollars, tes guerres économiques et vive un capital. Le pétrole au large de l'Afrique et vive un capital. Le meilleur coup de l'Amérique. Capital, mi amor. À nous, il nous reste encore l'anarchisme, le pessimisme et les dures années. Les plus extrémistes prônent le collectivisme pour éviter de vivre une vie de damnés. Partout dans le monde, c'est la consternation. Il est là pour les bonnes résolutions. J'aime l'odeur de ton fric et vive un capital. Tes dollars, tes guerres économiques et vive un capital. Le pétrole, le large de l'Afrique et vive un capital. Le meilleur coup de l'Amérique. Capital, mi amor. Sur la piste sans les étoiles, dresser son petit animal en première page du journal. Autour de lui les éléphants jouent à cache-cache en nous trompant. Montant d'où singe savant, crocodile caïman. Sous le grand chapiteau des clowns rigolos font de nos idéaux un nouveau numéro. Des acrobaties, waouh, debout assis dans un charivari qui transforme nos vies. Équilibriste, tu nous méprises, du haut de ta perche grise. J'ai souvenir de ton striptease, il me reste un bout de ta chemise. Sous le grand chapiteau des clowns rigolos font de nos idéaux un nouveau numéro. Des acrobaties, voire debout assis dans un charivari qui transforme nos vies. Est-ce que tu nous entends? 1, 2, 3, 4. C'est une tactique, la rime facile mais moi je m'attaque. À l'arithmétique c'est pas du toc. Les excentriques ben moi je m'en moque. Même si ça les choque, c'est moins technique, c'est plus provoque. Moi ce qui m'éclate c'est ce qui les excite. C'est qu'à notre époque c'est bien plus pratique de chanter en playback. Même les critiques disent qu'à Starac on devrait faire plus de rock. Raconter moins de crack et être plus authentique quand tu leur expliques que c'est pas de la musique, qu'ils le font pour le fric. Les plus ironiques répondent qu'ils ont en stock des chansons tout public. T'as qu'à demander à la Guylaine, j'ai pas effacé les ratures. Je ne fais ressortir mine qu'en crachant du son sur les murs. Si l'on devait me condamner, moi je gratterai la peinture et j'embellirai ma cellule en peignant du sang sur les murs. Regarde le chic, elle vaut par choc. On dirait des phoques quand elle mastique. Le regard mystique, elle masticote. J'en perds mon froc et je les traque quand elle mastique. Musique exotérique, architecture de Stark. Mélange exotique, ça sent l'arnaque. Tout ça est bien trop strict pour casser la vogue. Terminons ces frasques par une belle fresque. Revenons à l'épique époque de Django Reinhardt. Que même les étrusques en auraient eu des tics. Tant qu'il y aura des mecs musiciens authentiques, on sauvera la musique. T'as qu'à demander à la Guylaine, j'ai pas effacé les ratures. Je la fais ressortir mine comme crachant du son sur les murs. Si l'on devait me condamner, Moi je gratterai la peinture et j'embellirai ma cellule en peignant du sang sur les murs. T'as qu'à demander à la guilaine, j'ai pas effacé les ratures, j'ai pas effacé les ratures en crachant du sang sur les murs. Si l'on devait me condamner, moi je gratterai la peinture, et j'embellirai ma cellule en peignant du sang sur les murs. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, émission Mavrika avec Patient Z. On en parlait depuis longtemps, la fin du monde est arrivée. Tout le monde est là, papa, maman, les ancêtres et les nouveaux-nés. Le père ensuite nous a bénis et nous avons tous disparu. On n'entendait plus que les cris, des trous de lumière sont apparus. On en parlait depuis longtemps, la fin du monde est arrivée. Tout le monde est là, papa, maman. Que le temps s'est arrêté. Yeah. On en parlait depuis longtemps, la fin du monde est arrivée. Tout le monde est là, papa, maman. On dirait que le temps s'est arrêté. A fait couler quelques pleurs et nous a demandé silence. On en parlait depuis longtemps, la fin du monde est arrivée. Tout le monde est là, papa, maman, on dirait que le temps s'est arrêté. Yeah. On en parlait depuis longtemps, la fin du monde est arrivée. Tout le monde est là, papa, maman, on dirait que le temps s'est arrêté. depuis longtemps la fin du monde est arrivée. Tout le monde et la papa maman sont venus applaudir les mariés. Yeah. On en parlait depuis longtemps, la fin du monde est arrivée. Tout le monde et la papa maman sont venus applaudir les mariés. Yeah. On en parlait depuis longtemps, la fin du monde est arrivée. Tout le monde et la papa maman sont venus applaudir les mariés. Qui est là? C'est la petite salope. J'aurais besoin d'un gourdin. Et là mon coudrin, t'en fais pas, on est là, on va s'occuper de toi. Moi quand j'étais tout petit, on avait pas mal de pourquoi. J'écoutais sur mon manche disque du Chantal Goya. Mais y'avait des trucs plus bandants qu'on écoutait à la récré d'un type qu'on trouvait plus marrant, qui s'appelait... Henri Death Metal, Henri Death Metal, Henri Death Metal. L'amitié la plus solide se nouait autour d'une chanson. Pédalant sur nos bolides, nous chantions à l'unisson. Un air bien connu des mômes, un hymne qui nous surgelait. En bâtonnet ou en cône, et ça faisait... Camille, tu veux pas que je te déshabille? Camille, Camille, tu veux pas que je te déshabille? Camille, non, non, je ne veux pas que tu me déshabilles. J'aime pas quand tu me déshabilles. Je préfère la glace au citron, aussi gelée qu'un glaçon, qui fait froid le long du cou et qui fait les frissons partout, tout, tout. Lucas, tu veux pas une petite vodka? Lucas, Lucas, tu veux pas une petite vodka? Lucas, non, non, je n'aime plus la vodka. Je préfère la glace au citron, aussi gelée qu'un glaçon, qui fait froid le long du cou et qui fait les frissons partout, tout, tout. Henri, Henri Death Metal, Henri, Henri Death Metal, Henri, Henri Death Metal, Henri, Henri Death Metal. Henri Death Metal. Fallait la trouver comme ça.